piège. Le flot qui t'assiège, le chaos. Tu connaîtras l'effet que ça fait d'avoir le ciel qui s'abat sur ta tête, qui t'éclate, t'écrase et t'éjecte, condamné à errer sur les ondes des radios. Comme le toxico qui traîne son cul dans le barrio. Au state, un ghetto chez nous, nos points lui sont pas mieux. Pas de cadeau. Idem dans les deux cas, c'est pas si pas dogo. File le blaza, le hip hop de l'ouest a mis sous le choc de l'armada. Le cercle dévore bien, le basson graine de malsain. Ton spread qui te check, le sadjage plus rapide que le style cash. Sac ton bec, mec, néga rap jamais take. Forme une secte sectaire dans certains secteurs. Ouais, car telle dimension représente le bass. T'en fais tu sais, gars. Active le processeur, mode plus rapide que le style. Le cartel se prononce, dénoncé super vilain. Bataille ouverte, popole, tu frappes en vain. Forniga, prends le contrôle de tes gestes malsains. Rien à faire, je rends toutes les claques. Ne me provoque pas quand mes pensées sont en frac. Yeah, le temps de yeah, passer la page. Change donc de temps, ne reste pas comme dans une cage. Ne cherche pas le bastion, ne tchatche pas le bastion. Suis-nous donc dans la place, entre donc dans la fiction. Bye bye, all the bureau, c'est pas tout passé. Transmutation, je reviens sur la version complètement défoncée. Comme les ton trou du cul après m'avoir écouté. Donc kiffe le bon son, fous le bon son. Oui, touchez ton disque et rachetez la compilation du bassin. J'ai que mon style de fou qui t'attaque à ma mac. J'avais que des que mon style de fou qui t'attaque à ma mac. J'avais que des coups, que des coups. J'ai que mon style de fou qui t'attaque à ma mac. J'avais que des coups, que des coups, que des coups, que des coups. Nana, maintenant t'es qui t'avais que des textes. C'est toi la mec qui n'appelle le zombie. J'envoie Disney le Bambi. Avec qui t'es pas, j'te claque. La rage du black, basta. Je fais devant ma roue, toi, j'ai dit que t'es pas ta place. Tu peux manger la pelouse alors de bonnes comme une news. Ouh, ça va que j'te fous ça. Fais qui t'a prédit la bouche, j'y vache. Avec qui de toi, c'est cash, hache la hache, mec. J'espère pas que t'esquives, sinon ta tête te fera comme un gay. Je connais pour que tu bossies, accumule les fesses. C'est moi, ça boite à la tête, c'est pas vous de bêtes, c'est pas vous de tête. Alors, mec, en fait, devant la défaite, j'ai mouillé, ça couille, ça pue comme l'air. Chanson qu'ils ont des bouilles. J'ai que mon style de fou qui t'attaque à ma magie avec des coups.